L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Festival international du film de Nancy vous accueille sur le site de la Manufacture jusqu'au 2 septembre, 24e édition cette année. Pilar, bonjour. Bonjour. Et comme d'habitude, eh bien, nous te retrouvons quotidiennement pour découvrir le programme et puis faire des coups de projecteur sur les à côté du festival. Et avant de parler du programme de cette journée, un coup d'œil sur l'exposition des frères Manaki qui se déroule à la Galerie 9 jusqu'au 2 septembre. Oui, c'est comme ça, la Galerie 9 qui est 9 rue Gustave Simon. Donc c'est une exposition temporaire qui a commencé depuis le 25 août et qui sera là jusqu'au 12 septembre. Et c'est des photos de frères Manaki. Donc les frères Manaki, c'est comme les frères Lumière en France. Ils œuvrent les premiers cinémas en plein air à Bitola, donc en Macédoine, en 1921. La première salle de cinéma en 1923. Donc il s'agit d'un ensemble de photographies qui ont été trouvées. Et c'est une exposition qui est possible grâce à un partenariat avec l'ambassade de Macédoine en France, ainsi que le ministère de la Culture de la Macédoine. Donc c'est une exposition très importante que le Festival international de films de Nancy a pu faire venir en France, et spécialement à Nancy, à la Galerie 9. Donc c'est pas absolument à ne pas rater. Donc c'est à la Galerie 9, 9 rue Gustave Simon à Nancy, et c'est tout visible tous les après-midi, hein, c'est ça? Tous les après-midi, à partir de 14h. Alors, bien sûr, maintenant, un coup d'œil sur le programme de ce jeudi 30 août. Des projections, bien sûr, de la musique et du cinéma en plein air. On peut l'espérer, en tout cas. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Aujourd'hui, notre programme commence à partir de 14h15. Évidemment, ce qui nous concerne, c'est les compétitions. Compétition internationale de films et courts, nous avons 3 projections. La sélection internationale 5, la 2 et la sélection française numéro 1. Mais ceci, la compétition européenne des documentaires, nous avons la projection du film Till Leila au conservatoire au 16h30 et Slatko Otnista au conservatoire à 18h30. Donc souvenons-nous que nous sommes dans les cadres du focus des pays des Balkans. Donc nous avons déjà eu la Bosnie, nous avons la Grèce, hier la Serbie et aujourd'hui nous laissons la place à la Croatie avec une série de courts-métrages au Théâtre de la Manufacture, à savoir que c'est à la salle de la fabrique du Théâtre de la Manufacture. Nous avons aussi des courts-métrages qui sont présentés par le réalisateur. Donc à 16h30 dans la sélection Labo, le film de Chris Ali sera présenté par son réalisateur taïwanais, Xu Shang-Ting. Ainsi que plus tard, nous avons la projection de long-métrage La Dormeuse du Val, réalisé par Manuel Sanchez. Et Manuel Sanchez sera présent pour nous parler mieux de son film, venir échanger avec le public. Nous avons aussi aujourd'hui une table ronde à 15h, puisqu'on ont parlé des films qui seront présentés par le réalisateur. Et aujourd'hui, la table ronde, c'est les frontières, séparation ou opportunités de rencontre. Lors de cette table ronde, nous avons la réalisatrice Alexandre Audit, qui est parmi nous depuis quelques jours au festival en tant que membre du jury de la compétition internationale de films courts. Donc nous allons regarder aussi une de ses réalisations, c'est le film Kineski's The Great Wall of China de 2017. Donc elle sera présente aussi pour discuter à ce sujet des migrants, des frontières, mais aussi pour discuter, pour échanger avec le public au sujet de son film. Enfin, nous avons aussi, donc comme tu as dit, à partir de 19h30, de la musique cours de la manufacture. Donc aujourd'hui, c'est le tour d'une fanfare. C'est des Initial Brass Band qui vont nous faire chanter, danser, rire avec des paroles de Gainsbourg. C'est absolument intéressant à voir, à sentir, à écouter, à vivre au cours de la manufacture, tout avec un super menu proposé dans notre restauration Bouvette chaque jour selon les pays qui est mis à l'honneur. Donc aujourd'hui, on va manger un très bon repas au sujet de la Croatie. Et enfin, dès la fin, après ces concerts, après au concert, après avoir bien mangé, après avoir dansé un petit peu, écouté de la musique, nous vous attendons en plein air, cours de la manufacture, pour la projection du film ici. Donc c'est une comédie qui est vraiment, personnellement, j'ai très envie de regarder. Donc c'est une coproduction Italie-Ukraine. Et c'est un film qui fait un peu une comédie des pays des Balkans. C'est à regarder ce soir, cours de la manufacture. Mais en plus, aujourd'hui, Yves, il y a une surprise. Après le plein air, nous avons une petite soirée dansante jusqu'à 1h du matin. Donc nous avons DJ Gangster Cinétique qui était avec nous le week-end dernier, vendredi. On l'a aussi aujourd'hui un petit peu pour nous donner de l'ambiance, pas très fort, mais un peu quand même pour rester après les plein air pour de la manufacture. Pour prolonger cette belle soirée, en tout cas à l'occasion de ce Festival international du film de Nancy, 24e édition, donc tout ça à partir de 19h30. L'accès pour le concert, on le rappelle, est gratuit, bien entendu. On retrouve tout ça sur le site du festival, www.fifnl.com. Et à demain, Pilar, pour la suite du programme. Merci à toi, Yves. À demain. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.